Bonsoir, bonsoir. Je crois que les questions, si on les a répondues la dernière fois, moi, ce qui est des nouvelles, je crois que ceci, on a répondu à toutes ces questions. Il y a une question ici, une série de questions ici. Parlant du baptême du Saint-Esprit, je sais que lors de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui doit faire monter les chrétiens. Maintenant, j'aimerais savoir où seront les croyants qui sont morts sans le Saint-Esprit. Bonne question. Habitant en Israël, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ça c'est la première question. Participeront-ils aux noces du Seigneur Jésus? Vont-ils passer par le jugement à la fin? S'il vous plaît, je désire comprendre. Que veut dire il sera sauvé, mais quand au travers des pays? Je crois que la deuxième question, si on a déjà répondu, c'est plusieurs fois ici. Donc pour la première question, je crois qu'on en a parlé longuement lorsque nous voyons l'enlèvement et la grande tribulation à l'opinion. Donc c'est surtout dans cet enseignement-là qu'on va répondre. Donc bonsoir, si vous voulez, on peut prendre un temps maintenant pour parler d'un sujet vraiment profond maintenant. Pour ça, on va bien les écritures. Vous voulez comme ça? À moi, si vous avez d'abord des questions, et le fond, c'est plus grand là-dedans. Mais il faut qu'on prenne du temps pour examiner cela. C'est très important, non seulement pour nous, mais pour toute l'église. Souvenez-vous de ce qu'on a de faire. On a de mettre un parfum par-ci, un parfum par-là, un parfum par-ci, un parfum par-là. On a de construire quelque chose. C'est ça que chaque fois qu'on a de l'avancer, on n'oublie pas ce qu'on a de faire. Et chaque fois, je vais vous les rappeler. Donc, s'il y a des questions à vous poser, on avance rapidement. Oui, mon cher frère. Oui. Oui, bon, par rapport à cette question du paiement, s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète la musique, oui. Donc, ça veut dire vraiment que si on donne des interprétations, est-ce qu'on peut parler à langue? Ne vous inquiétez pas même pour commencer. Quand le Saint-Esprit sera là, tout ça sera clair. Avançons ici. Des questions, oui. Alors, pourquoi? Parce que, s'il n'y a pas en Israël, il n'y a pas de parler à langue. S'il n'y a pas en Israël, on doit parler à langue. Je n'ai pas compris. Il faut bien saisir ce que ça nous dit. Alors, vous posez des questions. On va y revenir, d'accord? Que c'est un signe pour les Israéliens? Donc, s'il n'y a pas d'Israël, après les côtés d'Israël, donc il n'y a pas eu de manifestation. Oui, vous voulez poser des questions, d'accord? Ah, posez des questions, frère, on avance rapidement. Le signe pour les croyants et non-croyants. Oui. Donc dans un autre enseignement, donc il faut quand même préciser dans ce, je vais vous expliquer maintenant, il va encore commencer sur cet enseignement. Mais la dernière fois, vous avez médité sur cette présence-là. Hein? Ok, posez des questions. Oui, posez. Lorsqu'on parle de il se couche avec ses pères, lorsqu'on parle de la vie des rois, bon, et ça arrive dans l'enfant qui est menacé, c'est le fils des appareils qui le remplacé. Il fait les abdominaux abominations, mais après, il dit qu'il mourit, il se couche avec ses pères. Oui. Mais ça va, ça veut dire qu'il va participer avec ses pères dans le même endroit. Mais la Bible, est-ce que la Bible bégaye? La Bible dit qu'il s'est couché, il fut réuni à ses pères. Pourquoi? Parce que son fils également, il marche également dans le même endroit. Parce que son père entièrement. Entièrement, mais la Bible ne dit pas qu'il fut couché avec ses pères. La Bible dit quoi? Il fut enterré. Oui, là on ne peut rien dire. Mais quand la Bible dit que fut couché avec ses pères, c'est qu'il est réuni avec ses pères. Prenons un exemple du roi Saül. Il était dans la désobéissance. Le prophète lui a dit dans 1 Corinthiens, 1 Samuel chapitre 15, verset 23, que car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc s'il a été désobéissant à la voix du Seigneur, il est aussi coupable que la divination. C'est pas ça? Mais Samuel, quand Samuel est sorti danser, ça c'est le stylo de qui? Quand Samuel est sorti chez cette sorcière d'Andorre là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, et déjà demain tu seras ici avec tes enfants. Pas vrai? Samuel sera où? Lui. Réponds non. Comment tu fais? C'est la Bible, non? Samuel sera où? En enfer ou au paradis? Au paradis. Mais qu'est-ce que Samuel lui a dit? Il sera avec lui. Ok. Donc ça règle le problème. Si vous voulez vous casser la tête, cassez-vous la tête. Quand vous allez comprendre la différence entre l'ancien et la nouvelle, vous allez le savoir. L'ancienne alliance, les gens entrent sous le sang. La nouvelle alliance entre sous le sang. Mais cette fois-ci, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. L'ancienne alliance, sauf les juifs ont ce sang-là. Sauf les juifs ont ce sang-là. Vous comprenez ça? Hein? Je prends un exemple. Vous savez que Job a existé avant Moïse. Le prophète Job. Vous savez qu'il a vécu avant Moïse. La Bible déclare que chaque fois, il faisait des sacrifices parce que c'est disait-il que peut-être ses enfants avaient offensé Dieu. Il donnait les holocaustes. N'est-ce pas? Qui lui a dit? Qui lui a dit donc? Puisque c'est sous Moïse que la loi va venir avec le sacrifice, que donne le sacrifice pour le péché. Donne le sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que chaque année, vous allez donner un an pour que le péché soit couvert, n'est-ce pas? Alors la question qui se pose, c'est qui agit à Job que pour que les péchés de ses enfants soient couverts, il faut le sang. Comment ça va être? Pourtant, il n'y a pas la loi. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, eux, ils connaissent. Est-ce que vous savez déjà que Nebuchadnezzar, lui, il sera aussi sauvé? Un conducteur. Frère, comment tu me regardes comme ça, comme si... Ok, repasse. Donc, quand tu vas trouver le livre... Donc, de toute façon, regardons maintenant. Oui, même Satan est le serviteur de Dieu. Mais si Satan sera sauvé. Il sait. Tu peux me montrer là où il s'est revendiqué? Non, non, non, attends. Ou est-ce que tu peux me montrer dans ta Bible que tu as mis là où il s'est repenti? Il a des feux, Seigneur. Il a des feux, Seigneur. Mais Satan fait des bonnes choses pour le Seigneur. Il fait que Job soit bien, bien fort dans la foi. Ce n'est pas une bonne chose. Eh, frère. C'est une bonne chose. Si, parce que s'il n'y a pas de difficultés, quelqu'un parmi nous serait ici aujourd'hui. Si chacun de vous là, avait les bonnes choses, vous venez ici là. Je viendrai prier ici, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a des difficultés. Qui crée ces difficultés? Au travers de qui? Donc il fait son bon, il fait une très bonne œuvre pour notre foi. C'est pas ça, mon frère. Salomon, la Bible déclare que lorsqu'on au moment de sa vieillesse, les femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. C'est pas vrai? Et il a servi dans, surtout pour l'univers. Il a multiplié ça chez les 1000 femmes. Il sera où à la fin? Comment? Pourquoi lui? Ok, maintenant, si toi tu pars dans ton village, là, tu pars quoi, élever un hôtel pour prier les dieux de paix, tu seras où? Tu seras en enfer. Lui, pourquoi il sera au paradis? Pourquoi lui, il sera au paradis? Vous pouvez montrer dans votre Bible où Job est appelé prophète. Il dit prophète Job. Personne n'a régimé. Maintenant, oui, frère, par rapport à ces dires, oui, qui montrait quelque chose qui allait venir plus tard. Même les trois disciples qui étaient avec le poulot, qui nous ont montré aussi ça. Vous dites chaque fois que Dieu parle, c'est pendant tantôt d'une manière, c'est pendant d'une autre. C'est pas Job qui a dit, ce sont les gens-là que Dieu a dit que tu as mal parlé. Il prend le sage dans leur russe que l'apôtre Paul a cité. C'est pas la parole de Job, c'est la parole de ses amis. Les amis dont Dieu a dit que vous avez mal parlé, c'est lui que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens. Où est-ce qu'on a dit que Job était un prophète? Je dis que c'est quand tu parles chaque fois comme ça, là, tu parles que tu es un prophète. Puisque nous sommes ici, nous disons chaque fois que nous savons que le Seigneur va nous visiter, pas vrai? Nous l'appelons l'autre rédempteur. Ça fait de nous des prophètes. Je veux que vous répondiez avec la Bible. C'est-à-dire que est-ce que dans la Bible, vous savez qu'Abel était un prophète? Hein? Comment faire une réponse, pasteur? Réponds-nous. Si le pasteur lui ne me connaît pas, la scène, c'est grave. Hein? Allons maintenant. Un frère, Yannick, tu voulais parler? Non, non, tu n'es pas en train de répondre à la question. La question que je posais, c'est est-ce que tu sais que dans la Bible, Abel est prophète, Job est prophète? Si c'est oui, tu dis montre là-dedans. Si tu penses que c'est non, tu dis pourquoi? Est-ce que dans la Bible, Abel était un prophète? Oui. Vous pouvez montrer où c'est écrit? Oui. On peut dire que Abel était un prophète parce que Abel a fait des sacrifices. Ok. Et le sacrifice qu'Abel a posé comme l'acte d'Abel était prophétique. Non, je l'ai dit ici. Si. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'Abel était un prophète? On peut trouver, frère. On peut trouver. Non, attends, frère, on finit. Est-ce que la parole, c'est la lettre qu'il faut seulement qu'on écrit qu'Abel est un prophète? Donc, je crois que le sacrifice que Abel a fait était l'image du sacrifice de Christ. Ça fait de lui un prophète. C'est l'acte qui pose des actes prophétiques. Comme par exemple, Ezra, est-ce que Ezra a posé des actes prophétiques? Est-ce qu'il est un prophète? Dans le sens large. Parce que nous posons que Daniel était un prophète. Non, on a prophète. Dit clairement que Daniel était un prophète. C'est écrit dans la Bible. Je veux que vous me répondiez. Est-ce que dans la Bible, comment savez-vous que Abel était un prophète? C'est seulement pour vous titiller votre intelligence pour que vous lisez bien. Vous avez lu ces paroles de l'Écriture. Il sera demandé à cette génération-ci, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang des prophètes. Tout le sang des prophètes qui étaient versés, c'est Jésus qui parle. Il sera demandé à cette génération sur tous les sangs des prophètes, depuis le sang d'Abel jusqu'à le prophète Zacharie, fils de Bérékia, qui a été tué entre le cœur. C'est Jésus qui l'a appelé prophète. Il sera demandé à cette génération, tous les sang des prophètes depuis Abel. Il vient de dire que quoi? C'est simple. D'accord, frère? Ça, c'est dans le livre de Matthieu, là, maintenant. Alors, maintenant, Job, c'est écrit où il est prophète. Donc, là, maintenant, vous cherchez. D'accord? Donc, si ne m'embrouillez pas ce soir, il faut qu'on voit ce sujet, parce que c'est plus important que toutes ces connaissances-là. Je prends les questions et puis j'avance. On avance là-dedans. C'est pour vous dire qu'il faut que vous fassiez attention à la façon que vous abordez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Vous dites, Salomon, pourquoi il avait 1000 femmes? Il a eu 1000 femmes parce qu'il faisait des recherches. C'est un scientifique de Dieu. Il voulait savoir ce qu'il y a dans les femmes. Maintenant, comme il a compris, il ne dit pas faire comme ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il a fait cela. Dieu l'a utilisé comme la recherche scientifique spirituelle. Vous savez, le câble de cette lumière, c'est deux fils. D'accord? C'est deux fils. Il y a un, si vous mettez le testeur là-dessus, ça s'allume. Ça montre qu'il y a danger. Donc, un scientifique, il n'a pas eu mis le testeur là-bas. Ça a frappé quelqu'un. Il a dit, hey, comment faire pour différencier les deux ici? Il a mis quelque chose que si tu mets sur ça, c'est rouge, ça veut dire que ça passe. C'est ça, il a fait la recherche, mais avant, ça l'a frappé. Donc, Salomon a fait les recherches. La Bible déclare dans ses livres des proverbes et dans le livre d'Ecclésiaste, on dit qu'outre les proverbes que Salomon a écrit, il a fait beaucoup de choses de recherche. Il dit qu'il a sondé son cœur à connaître la sagesse, la folie, à faire des choses. Il a compris que vanité derrière. C'est pour nous conseiller que ne faites pas comme ça. Donc, c'était le scientifique de Dieu, lui. C'est n'est-ce pas? Vous savez qu'il a livré Dieu, il a plu à Dieu de livrer son cœur à la joie, de livrer son cœur à la sagesse, de livrer son cœur aux femmes pour nous conseiller. Donc, si tu tombes dans le même piège que Salomon est tombé, ça suppose que tu n'as pas compris le pourquoi Dieu lui a permis d'être là. Il est passé par cette vallée-là pour goûter aux femmes, pour que tu comprennes que les femmes sont mauvaises. Dans ces Proverbes chapitre 6, verset 25, il dit que ne le convoite pas dans le bébé, que ne regarde pas ses paupières. Quand tu regardes une fille comme ça, là, tourne ton visage rapidement. C'est que ça va te prendre. C'est ce que Salomon a dit, non? Voilà. Donc, il n'y a plus de questions, non? Il prend deux questions et puis j'arrête. Deux questions. S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Frère, je vous ai une question dans le livre de 1 Jean. Pardon? Une question dans le livre de 1 Jean. Oui. Chapitre 3, chapitre 9. Oui. La Bible dit au verset 9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Bon, et dans 1 Jean, chapitre 5, là-bas, il est dit au verset 18, encore que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et c'est le malin ne le touche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oui. Frère, je veux savoir. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Oui. Moi, je comprends par là qu'il veut dire qu'il ne pêche jamais. Mm-hmm. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il est. C'est au sens propre là. Est-ce que point veut dire jamais? Que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que point veut dire jamais, littéralement? Bon, si. Dans le sens de l'écriture. Je vais prendre encore une autre. Oui, je vais d'abord prendre une autre écriture. Que votre cœur ne se trouble. C'est toi qui fais que ton cœur se trouble. Est-ce que c'est vous qui faites que votre cœur se trouble? Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Quand à la mort et la ressource de Jésus-Christ, personne n'a été troublé. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que c'est toi qui fais que ton cœur ne se trouble pas? Donc c'est autre chose. On va toucher le baptême du Saint-Esprit, d'accord, frère? C'est plus qu'il y a ça. Parce qu'on parle de la sémence de Dieu. Donc posez des questions. Deuxième question et puis j'avance là. Oui. Non, papa, manger, oui. Bon, note depuis le verset 7, parce qu'on va travailler là-dessus là maintenant. Non, j'ai pas dit, une note depuis le verset 7 jusqu'à en bas, là. On va lire là-dedans. Maintenant, vous permettez qu'on travaille. Voilà. Mercredi surpassé, nous avons touché quelques points ici, n'est-ce pas? Nous avons touché quelques points ici, mercredi passé. Souvenez-vous de ce que je disais mercredi. Il dit que si quelqu'un vient, il ne vient pas, il aura des problèmes. Il dit que si quelqu'un vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Quand on va commencer ce travail-là, parce que je suis en train de saisir un document. Lorsque ce document sera fini, sera terminé, c'est avec ça qu'on va travailler. Parce qu'avec ça, chacun aura et on va travailler. Il faut que chacun dissecte son cœur. Donc on va travailler. Donc après, ici, samedi, on va faire autre chose pour mettre le pourquoi il faut faire ces choses-là. Puis maintenant, dès mercredi, c'est ça qu'on va faire. Donc je ne sais pas si le Seigneur permettra que les dimanches se réunissent parce que c'est vraiment long. D'accord? Donc le but c'est quoi? Il faut qu'on comprenne. On a compris que les promesses dans la Bible que nous avons vues ne s'accomplissent pas pour les croyants, n'est-ce pas? Que même si on fait un peu comme on remarque très bien qu'il y a des promesses dans la Bible qui ne s'accomplissent pas pour nous. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, dans Matthieu, dans le livre des Jean, chapitre 16, ce jour-là, nous avons lu les versets 23 et 24, où le Seigneur Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandez, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et nous nous interrogeons. Pourquoi depuis que nous sommes chrétiens, nous demandons, ça n'arrive pas? Est-ce que Jésus-Christ aurait menti? Ou mieux, est-ce qu'il aurait fermé la porte? Ou encore, est-ce que les choses qu'il a promises pour nous sont-elles finies? Nous avons compris que toutes ces questions-là ont pour réponse non, pas vrai. Dans ce cas, il y a autre chose qui est en train de poser le problème. Le problème maintenant, c'est que si nous nous regardons au miroir, nous regardons dans la parole du Seigneur, avec le miroir des chrétiens, nous constatons que nous, chrétiens, qui parlons des chrétiens aujourd'hui, nous ne reflétons pas les chrétiens dont la Bible parle. Donc, si nous continuons, nous nous constituons comme les chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire que nous professons notre christianisme aujourd'hui seulement par les lèvres. La vie n'y suit pas, n'est-ce pas? Si la vie n'y suit pas, ça suppose que quelque chose ne va pas. Donc, il y a un déphasage entre nous et les Écritures. C'est ce déphasage-là qu'il faut résoudre. Parce que tant que nous ne résolvons pas ces problèmes-là, Einstein disait que ce sera une folie de poser un acte et avoir un résultat. Et chaque fois que tu poses le même acte, tu espères avoir un autre résultat. Si vous comprenez, ça dit que je vais sortir hors de cette porte-ci. Je vais sortir. Je vais se bloquer. Il dit, ah, ça, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de faire poser le même acte, j'ai le même résultat. Chaque fois qu'il me tournerait, je vais gérer là-bas, je cognerai de la même façon. De la même façon, pas vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche à traverser? Alors maintenant, si c'est ce qui m'empêche à traverser, comment on fait pour résoudre le problème? Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas qu'on pose un acte et on espère avoir un résultat différent. Chaque fois, alors que c'est un résultat que ça a produit dès le départ. C'est-à-dire qu'une expérience que tu as faite dès le départ, en quittant de A à B, chaque fois que tu fais cette expérience-là, tu vas avoir le même résultat. C'est pour ça que chaque fois que vous faites 1 plus 1, vous levez le matin, n'importe comment, ça va toujours donner 2. Parce que c'est le résultat que ça produit. Si vous faites 1 plus 1, vous trouvez un jeu 3, il faut que vous réfléchissiez. Donc alors, si dans nos effets, nous comprenons qu'il y a un déphasage entre nous et les chrétiens du Nouveau Testament, vérifions comment les chrétiens du Nouveau Testament étaient, ou mieux, comment sont-ils devenus les chrétiens. Alors on va voir là où toute la différence va. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc on a donc vu qu'il y a des choses enfouies, et l'une des premières choses qu'on a dit, c'est que nous sommes désobéissants. Pas vrai? Donc on va toucher donc ce soir, on va toucher principalement la prière. Principalement la prière. Principalement. C'est la clé de voûte. Pourquoi? Parce que, suivez très attentivement, dès le départ, nous diagnostiquons qu'il y a des problèmes. C'est ce que nous sommes en train d'analyser. J'en ai fait le briefing encore de ce que nous avons vu. N'est-ce pas? J'ai dit, devant, il y a des problèmes devant que nous allons résoudre. Mais maintenant, la clé d'entrée, c'est la prière. Donc, mieux, il faut qu'on sache ce que c'est que la prière, pour que lorsque tout sera arrangé, que chacun sache comment aller résoudre le problème. D'accord? Voilà. Donc, je vais prier. Peut-être la façon dont je vais parler de la prière, ce soir, ça risque d'être bizarre et difficile, ou mieux, regarder d'une certaine façon, contrairement à ce que vous avez déjà suivi. D'accord? Je vais parler particulièrement de la prière fervente, juste. Vous avez entendu cette expression dans la Bible? La prière fervente du juste. Je vais parler particulièrement de cela. Et puis, je vais ramifier dans toute autre direction. Si vous lisez donc dans le livre de Jacques, chapitre 5, prenons cela, commençons par là-bas. Et au fur et à mesure, si ça dérange, je vais vous donner seulement les versets. Donc, soyez prêts, ayez vraiment quelque chose où noter. Parce que, souvenez-vous de ceci, si vous écoutez, je dis bien, chaque fois, quand on va commencer ce travail-là, je ne serai prêt pour dire que dans la prière, on fait comme ça. Donc, que chacun ait ses notes à lui. Quelqu'un va travailler, que chacun travaille avec cela au-devant de lui. Donc, nous allons examiner les Saintes Écritures aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit par prière? C'est ces choses-ci, souvenez-vous de ce que nous avons vu avec la confession de la foi. Ce sont ces choses-ci qui ont fait le temps, c'est que les gens ont commencé à sortir des livrets de prière. Que je suis la lumière du monde. Je possède toutes choses. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. On croit que donc, à force de répéter, ça va arriver. Ce n'est pas comme ça. Dieu a ses principes. D'accord? Je vais parler particulièrement de la prière fervente du juste, puis on va toucher en général les prières. Donc, c'est qu'est-ce que la Bible appelle par prière fervente du juste? Parce que dans ce livre de Jacques, lisons déjà pour prendre en contact avec cela, Jacques chapitre 5. On va prendre la lecture à partir du verset 13. Mais c'est terrible que, vous voyez, on lit dans la Bible des choses qui s'y trouvent. Mais tant que la locomotive n'est pas huilée par le Saint-Esprit, ça va rester toujours et toujours l'être morte. Que des gens souffrent. Nous tous, nous souffrons et nous subissons cette même chose-ci. Mais tant que nous ne regardons pas qu'il y a un problème, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire si nous jouons à l'autruche en plongeant la tête dans le sable, en disant que non, je refuse de croire qu'il y a un problème. Refuse de croire. Quand tu vas enlever la tête dans le sable, tu sauras qu'il y a un problème. Donc, ça vaut la peine que nous affrontions le le problème. Nous faisons ce qu'on, nous appelle, ce qu'on appelle en français que qu'on prenne le taureau par les cornes. Vous êtes prêts à ce que nous nageons maintenant les Écritures? Ok. Donc, Jacques chapitre 5, je vais lire à partir du verset 13. Je vais prendre la lecture du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il... C'est l'ordre du Seigneur. Vous avez vu ce qu'il écrit? Donc, à plusieurs endroits dans la Bible, à plusieurs niveaux, à plusieurs moments, Dieu nous a invités à la prière. Dieu nous a invités à la prière. Il nous a invités à la prière. Il dit, mais à plusieurs considérations, à plusieurs endroits dans la Bible, Dieu nous a invités à la prière. Il dit, ok, la solution de votre souffrance, vous voyez la souffrance. Sous réserve que vous comprenez qu'il y a les souffrances qui ne peuvent pas changer, qui sont selon sa volonté, comme un Pierre le dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un souffre selon la volonté de Dieu, qui n'en est point en, mais qui se remet son âme au fidèle Créateur, n'est-ce pas? Donc, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question qui est posée. Il donne quelle solution? Maintenant, quand nous, chrétiens, nous avons la souffrance, nous cherchons les solutions en cherchant les relations. Pourtant, le Saint-Esprit allait nous donner l'ordre. Et oui, il y a la direction, comment faire? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Souvenons-nous, supposons par exemple que tu as besoin du travail et que le travail là est causé par un esprit. Et vous dites, je vais aller voir tes personnes, vont me donner le travail. Même si la personne te promet le travail, même si tu donnes le travail, tu auras des problèmes. Parce que c'est un problème qui est derrière spirituel qu'il faut résoudre. Or, si nous allions dans la prière, Dieu te montrerait l'esprit qui est là-bas. Et en tout cas, avec cet esprit, le travail viendra tout naturellement. C'est n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on veut résoudre le problème de façon superficielle. Et tôt ou tard, si nous avons de l'eau qui coule dans le mur, nous refusons de comprendre qu'il va falloir qu'on regarde d'où le tuyau est percé. On commence à prendre le ciment pour cimenter, de mettre la peinture pour effacer le trace de l'eau. Vous pouvez faire 2 jours sans voir de l'eau couler. 3 jours sans voir de l'eau couler. Mais tôt ou tard, l'eau va encore couler. Il faut résoudre le problème à la racine. Donc Dieu nous a invités, Dieu nous invite ici à prier. Il dit, si vous êtes dans la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on prie. Maintenant, l'autre espérance, c'est que beaucoup de personnes sont dans la souffrance, on prie, mais on ne sait pas comment vraiment prier. On prie, on ne sait pas si oui ou non notre prière est entendue. On prie, il n'y a pas de résultat. Alors, il y a un problème. Il faudra qu'on comprenne donc quel est le problème. Et puis, on essaie de résoudre le problème. Après, il continue dans ce même verset 13. Il dit que, quoi? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? C'est encore un autre problème maintenant au milieu chrétien. Lorsqu'on est en joie, on oublie effectivement que tout ce qui est là autour de nous vient du Seigneur. Si vous lisez votre livre dans le livre de Deutéronome chapitre 8, lorsqu'il a fait entrer les Juifs dans quoi? Lorsqu'il faisait entrer les Juifs, il a donné les injonctions claires. Il dit, lorsque tu seras entré dans ce pays-là et que tu auras acquis cette nation dont je t'ai promis, fais attention, prends garde de dire que ce n'est pas ta propre force que tu l'as acquise. Ce n'est pas vrai? Il dit, quand tu seras dans ton pays, quand tu vas avoir de la bénédiction, quand ta terre va produire les gros et les menus bétails, les bêtes, ainsi de suite, ne dis pas que ce n'est pas ta force que tu as réussi, car c'est le Seigneur qui le fait pour toi. C'est-à-dire quoi? Tu ne vois pas comment Dieu exerce directement, mais la bonté et la providence de Dieu fait de telle sorte que les choses viennent tout naturellement. Et on a comme l'impression que c'est parce que nous sommes trop fréquentés que ça arrive, parce que nous avons trop de grâce. Quand vous naissez dans une famille, c'est vous qui choisissez la famille dans laquelle vous naissez? Non, ça veut dire qu'il y a un problème dès le départ. Donc il faut qu'on rectifie le tir ce soir. Il faut qu'on rectifie l'outil. Il dit, si on a des souffrances, on prie. Si on est dans la joie, on chante les cantiques. Souffrance, on fait quoi? En joie, on fait quoi? Donc, qu'est-ce que c'est que dans ces cantiques qu'on doit chanter? Ça se pose donc que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, Dieu doit être glorifié. Dieu, il dit bien, Dieu nous a invités à la prière plusieurs fois. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi. Ça ne finit pas là, le verset ne finit pas là. Il dit, et je te répondrai. Qui en est de parler? Mais c'est terrible. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il donne la promesse que si tu parles, si tu parles, il va répondre. Jésus, dans le Nouveau Testament, quand il est venu, dans Matthieu chapitre 7, il dit, demandez et... Mais c'est terrible. Toquez et on va chercher. Et vous, qui a parlé? Donc, c'est la même chose qu'il a dit quand il était en esprit dans Jérémie chapitre 33, qu'il redit quand il est venu dans la chair. Pour dire que son amour n'a pas changé, sa miséricorde n'a pas changé. Donc, il dit, demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit, demandez et l'on verra si on vous donnera. Demandez et vous recevrez. Ceci montre quoi? L'invitation à la prière et de l'autre côté, De l'autre côté, la décision de Dieu d'exaucer, de donner ce dont on demande. Jusque-là, ça doit être conditionné. Parce qu'on ne demande pas n'importe comment. On ne veut pas tout juste. On va voir tout cela maintenant. D'accord? Donc, d'une part, si on est dans la souffrance, on prie. Si on est dans la joie, on chante des cantiques. Il dit bien, on peut encore prier dans la souffrance, même si on bavarde n'importe quoi. Mais très souvent, on oublie Dieu lorsqu'on est dans la joie. On oublie, on croit peut-être que ça vient de nous. Voilà pourquoi quand quelqu'un va trouver du travail, il va venir rarement à la prière. Il va prier rarement, parce qu'il sera tellement absorbé par la prière. Mais le premier jour qu'il va entendre le nom, il va rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu as trouvé ce travail-là. Les minutes qui suivent, il va oublier le Seigneur. Les minutes qui suivent. Tu ne sais pas qu'il y a trop souffert ici dehors parce que j'ai jeûné comme ça avant que le travail ne vienne. À l'instant où tu as dit ça, tu viens de dire que ce n'est pas tes prières que tu as obtenu le travail. Ce n'est pas par la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas tes efforts que tu l'as obtenu. C'est n'est-ce pas? D'autres personnes ont jeûné plus que toi. D'autres personnes ont fait 40 jours de jeûne plus que toi, mais n'ont pas obtenu ce que tu as obtenu. Dans le livre d'Ecclésias, la Bible déclare quoi? Que ce n'est pas à cause de ton diplôme que tu as du travail. Ce n'est pas parce que tu es très bien que tu as du mariage. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et qui contrôle le temps et les circonstances? Dieu. Donc si on comprend effectivement que je suis venu dans le monde sans que je ne sois au courant que je venais dans le monde. Je suis venu dans une famille sans savoir que c'était dans cette famille que je viendrais. Je suis venu dans un corps, soit masculin, soit féminin, sans choisir ce corps dans lequel je dois être. Je suis devenu dans un pays où je n'ai pas choisi. Alors, tout simplement, il faut seulement capituler, déposer les âmes au pied du Seigneur et se soumettre à lui. C'est ce qu'on devrait faire. Donc, Dieu nous invite à la prière et nous invite à rendre des actions de grâce lorsqu'on est dans la joie. Autrement dit, et dans les bons et dans les mauvais moments, le Seigneur doit être au centre. N'est-ce pas? Mais d'ailleurs, il continue en disant, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ?» En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Vous voyez, chaque fois qu'il y a prière, Dieu s'engage à répondre. Alors nous imposons dans les mains, il n'y a pas de guérison. Quel est le problème? Donc il faut admettre que Dieu lui ne ment pas. Donc ça veut dire que le problème se trouve de notre côté. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc nous avons tous des problèmes qu'il va falloir que nous résolvions ensemble. Pour que les uns, les autres, nous en profitions. Et que, comme la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 4, certains, les autres personnes du peuple n'osent s'approcher d'eux. Parce que la crainte du Seigneur était s'emparer de tout le monde, n'est-ce pas? Donc ici, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc, parmi les chrétiens, il peut se trouver des maladies. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, on trouve verset 15 là. La prière de la foi sauvera le malade. Vous avez vu ça? La prière de la foi, soulignez qu'on en parle. La prière de la foi sauvera le malade. Et il dit, continue en disant, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez les promesses que Dieu a faites, n'est-ce pas? Donc Dieu ne culpabilise pas les chrétiens. Il désire les pardonner, mais nous avons une action à faire. Les anciens doivent venir imposer les mêmes prières et au nom du Seigneur. On appelle ça la prière de la foi. La prière de la foi. Il continue à dire, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous y êtes? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Soulignez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, il donne cette sanction-là. Élie, vous y êtes? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous entendez ce qu'on a dit là? On va s'atteler sur cette phrase-ci un instant avant d'avancer. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut parler par Élie était de la même nature que nous? Je veux que vous me répondiez, frère. Oui, frère. Moi, je crois que ça veut dire qu'il était aussi humain que nous. Il était aussi humain. Ok. Oui. Oui. Il n'était pas extraordinaire. Autre proposition. Vraiment? Ok. Avançons. Autre proposition. Il avait la même accès que nous. Même accès que nous, bon, oui. Dieu pouvait aussi nous utiliser tant que voilà. Maintenant, ouvrez-moi Actes des Apôtres, chapitre 14. Ouvrez, allez-y. Rapidement, et puis on rentre ici. Ne quittez pas là, ici. Alors, rapidement, Actes chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Nous sommes là à, lorsque l'apôtre Paul et d'autres compatriotes y allaient prier et puis il y a une guérison. Le verset 15, qu'est-ce que ça dit, frère? En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Oui. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Oui. Et vous apportant une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça veut dire que nous nous trouvons lorsque l'apôtre Paul a opéré cette guérison-là, n'est-ce pas? C'est paralytique, il a dit que lève-toi. La Bible déclare que voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a arrêté de la main, il dit lève-toi sur tes pieds. Il s'est levé. Lorsque la population de cette ville-là ont vu cela, ils ont dit que c'est les dieux sur la forme humaine, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que quoi? Que nous sommes des gens de la même nature que vous. Et nous annonçons la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ceux-ci? Comment? La foi pour se faire comme lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ces gens-ci, frère? Nous sommes des hommes en tant que vous. Ok, maintenant, je pose donc la question. Ayant donc fini avec Actes des Apôtres, je veux qu'on revienne dans Jacques chapitre 5. Sévéron dit que vous voulez dire que les païens peuvent prier aussi comme ça et avoir accès, comme les chrétiens peuvent prier aussi comme ça, avoir accès. C'est ce que vous en avez dit? Pas du tout. Mais dans Jacques ici, il dit Élie était aussi de la même nature que nous. Vous dites, il parle de la dimension humaine. Ici, l'apôtre Paul dit que nous sommes aussi des hommes comme vous. Vous êtes aussi des hommes comme nous. Vous dites, il parle de la dimension humaine. Donc, Sévéron dit qu'en réalité, on n'a pas besoin de changer d'état alors. Revenons donc à notre Jacques, puis on va relire encore. Il faut qu'on avance, parce que si on ne comprend pas ces principes-là, on ne comprend pas la prière fervente de Jésus. Parce que ça, il dit qu'il veut parler de cela. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous avez entendu? Le nous est mis pour qui? Le chrétien. Donc, tous les hommes sont comme les chrétiens alors. Hein, frère? Les hommes de foi. Les hommes justes. Alors, bien, quelle est la différence entre Actes des Apôtres, chapitre 15, chapitre 14, verset 15, et Jacques, chapitre 5? Donc, après avoir dit il était un homme de la main, oui, frère, tu voulais parler, oui? Je voulais dire que la différence, c'est que dans Actes 14, verset 15, il parle d'homme dans le cadre général. Mm-hmm. Alors que dans Jacques, on parle des chrétiens. Dans ce cas, qu'est-ce que les chrétiens ont de différent que les autres hommes ordinaires? Quand un chrétien, parce que d'après ce que tu as défini et ce qui est vrai, qu'est-ce que le chrétien lui donne? A des différences puisqu'ils sont formés. Quand on regarde la force, la forme extérieure et autres, ils sont construits de la même façon. Qu'est-ce qui le différencie par rapport à quelqu'un de simple qui n'est pas chrétien? Les? Voilà. Vous y êtes? Deux pierres, prenons-y. Prenons deux pierres. Donc vous voyez, on est tourné, on est venu au carrefour, dans un carrefour maintenant, où on a encore touché une personne qu'on appelle Esprit des Dieux. Deux pierres, chapitre 1. Vous y êtes, quelqu'un y est rapidement. Tu y es, frère Evé. Lis-moi le verset 4. Verset 4. Oui. Lesquels nous assurent de sa part, oui, les plus grandes et les plus précieuses promesses, oui, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous entendez ça, hein? Soulignez participants de la nature divine. Il y a une promesse qui nous donne l'éternité. Quand nous avons accès, nous participons à la nature divine. Alors maintenant, on revient. Élie était aussi quelqu'un de la même nature que nous. Est-ce qu'on peut dire de cela, de Élie, de la même nature que les païens? Non. Donc ce n'est pas de cette façon dont on a parlé, n'est pas de parler de l'homme à homme, un être humain. Parce que ce sera donc d'abord un non-sens de dire qu'Élie était un homme comme nous. Puisqu'on sait qu'Élie était un homme. D'accord? Dans Actes de l'Apôtre, il est question du fait que les gens sont en train de voir les dieux descendus dans une forme humaine. Il dit que non, en réalité, nous sommes vraiment les hommes. En réalité, nous sommes vraiment les hommes. Il fallait les recadrer. En réalité, nous sommes des êtres humains. Sous mes chocotés, 40 coups moins 1, je vais avoir mal. Je ne vais pas disparaître. Pas vrai? Donc là-bas, il est question de l'être humain, véritablement. Donc ici, on est en train de parler d'une dimension qui donne accès à quelque chose. Donc Élie avait cela. Donc c'est-à-dire que ce que Élie avait, le prophète, nous l'avons. Ce que Élie, le prophète, avait, nous l'avons. Maintenant, après, il dit maintenant qu'il pria. Vous êtes avec moi, verset 17 là. Il pria avec insistance. Souvenez-vous de ceci. Il a commencé en haut en disant la prière, quoi, fervent du juste a une grande efficacité. Il dit bien, c'est ça qu'il veut parler ce soir. Après, il donne un exemple d'Élie, d'une personne qui est Élie. Après, il dit qu'Élie n'est pas seul dans ces cas-là. Nous tous, nous sommes comme ça, les chrétiens. C'est pour cela qu'il va falloir que nous comprenions notre voie d'accès au Seigneur. Vous saisissez? Il dit Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Après, il dit maintenant, il pria comment? Avec instance. Je veux qu'on souligne prier avec instance. Vous y êtes? Il pria avec instance. Que quoi? Non, je veux que vous regardez bien ce qui est écrit. Après, il prie avec instance. Après, il prie avec instance. Qu'est-ce qui est écrit? Beaucoup ne plus point. Oui. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quand on dit quelqu'un prie avec instance, qu'est-ce qu'on en veut dire? Ça veut dire que continuellement, il avait refusé que de la pluie tombe. Donc, constamment dans sa prière, il empêchait à la pluie de tomber. Donc, il n'a pas juste déclaré qu'il ne tombera pas de la pluie, à moins que ce soit sous ma parole. Quand il est rentré, il était dans la prière. C'est la Bible qui le dit. C'est le Nouveau Testament qui nous dit ce qui s'est passé après. Parce que si vous lisez 1 Samuel, chapitre quoi, 1 Roi, chapitre 17, vous allez seulement voir comment il a déclaré, il est parti. Il a commencé à voir la veuve de Sarepta, aller au torrent, le corbeau l'a nourri, ainsi de suite. Mais le Nouveau Testament nous explique qu'il a continué à prier. J'espère qu'on se comprend là. C'est la Bible là maintenant. Si vous voulez accepter la Bible, vous devez accepter la Bible. Si vous ne voulez pas accepter, vous ne pouvez pas accepter. Mais c'est la Bible nous dit. La Bible dit qu'après qu'il l'ait dit, vous lisez quoi? 1 Samuel, quoi? 1 Roi. Il a déclaré là qu'il ne tombera pas de la pluie sur la surface de la terre, sinon sur ma parole. Donc s'il mourait, la terre devait être en danger. Dieu avait intérêt à le garder vivant parce qu'il a dit que c'est sous sa parole. Dieu n'a pas dit que c'est sous la parole ni de personne. Donc même s'il mourait, il aurait fallu que Dieu le ressuscitât et que va maintenant prononcer sa parole et continue à mourir. Parce qu'il a dit que c'est sous sa parole. Donc il devrait être gardé vivant jusqu'à ce moment-là. Si Élie avait dit, il ne tombera pas de la pluie sur ma parole, et qu'il vivait 100 ans, il reste tranquille, les 100 ans, là, jusqu'à le jour, il va venir parler avant que la pluie tombe. Où est là où quelqu'un se trouve là maintenant, frère? Alors maintenant, la Bible nous déclare dans le Nouveau Testament qu'il pria, Élie pria avec insistance afin qu'il n'ait plus point. Et il ne tombera pas de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Prier avec instance. Pour qu'il ne tombe pas de la pluie pendant 3 ans et demi. Alors, ça suppose que quand il a déclaré qu'il ne pleuvra pas, il est allé prier constamment et continuellement. La prière avec instance. Donc, il dit, c'est ça qu'on appelle donc la prière fervente du juste. Pourquoi juste? Parce qu'il a été sanctifié par l'Esprit de Dieu. Pourquoi fervent? Parce qu'il insiste et il importune Dieu. La prière fervente du juste. La prière répétitive des justes. La prière importune du juste. La prière instante du juste. Quelqu'un qui insiste pour la même chose du juste a une grande fécondité. Il n'a pas dit que la prière fervente tout juste a. Il n'a pas dit la prière fervente a une grande. Il a dit la prière fervente du juste. Vous y êtes a une grande efficacité. Souvenez-vous d'ici. Il dit donc, il pria avec instance qu'il ne tomba point de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. On dit, puis il pria de nouveau. Même le jour qu'il a fait tomber de la pluie, il a dû prier, insister. Vous avez remarqué? Si vous lisez le livre de 1 Pierre, quoi, de ces 1 roi là, vous allez remarquer quand il est allé sur la montagne pour prier, il a prié une fois. Il a demandé à son serviteur que qu'est-ce qui ne va pas. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Allons-y là-bas. 1 roi chapitre 18. Je veux que vous saisissez vraiment comment la Bible dit. 1 roi chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 41. Écoutez très attentivement. Vous y êtes tout le monde déjà? Non, regardez. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il savait qu'il était sur le point de déclencher la chose, n'est-ce pas? Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Hormis le fait qu'il soit prophète et que, avec la dimension de l'aigle, il peut entendre ce bruit-là depuis le loin. Il s'en est dit que, terre à terre, il est sur le point de déclencher quelque chose. Regardez. Verset 42. Acab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est un prophète ici. Regardez. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regardait et dit, il n'y a rien. Et lui dit 7 fois, retourne. C'est-à-dire que, il a dit, il s'est baissé là-bas. Ah, vous parlez des soupirs. Vous parlez des soupirs. Vous avez entendu dans le Nouveau Testament, mes enfants pour qui j'éprouve encore cette douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est de ça dont il est question. C'est de ça, quand il dit qu'il souffre jusqu'à ce que j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il ne dit pas que il reste comme ça, ça me fait mal. Ce n'est pas ça. C'est l'intercession qu'il fait dans la prière. Vous avez remarqué donc, lisez Romains chapitre 1, lisez 1 Corinthiens chapitre 1, lisez Galates chapitre 1, lisez Colossiens chapitre 1, lisez Éphésiens chapitre 1. Vous allez entendre toujours cette même parole-ci. Après avoir entendu la, votre foi en Jésus-Christ, je ne cesse de prier pour vous, faisant mention de vous dans mes prières et dit à Dieu qu'il vous donne la connaissance parfaite de sa personne. Vous avez entendu ça dans la parole? Vous entendez ça dans la parole? Alors maintenant, l'apôtre Paul devrait avoir le temps pour ne pas prier pour lui-même. Puisque au Colossiens, il va dire que je ne cesse de prier pour vous. Au Romain, il a entendu votre foi en le Seigneur Jésus-Christ, je ne cesse de prier pour vous. Oui, donc ça veut dire qu'il passait son temps à prier pour l'église. Donc c'est ça, il voulait enfanter l'église. Alors vous comprenez que ce qui manque à la souffrance de Christ, j'ai la chair à mon corps qui est le bon. Vous dites, je peux dire n'importe quoi aujourd'hui en disant qu'on n'a pas de poste, c'est pas comme ça. Il faut que vous soyez un enfanteur dans. Un enfanteur dans quelqu'un qui accouche les âmes au Seigneur dans la prière. Vous saisissez bien aimé? Vous comprenez? Donc regardez, la Bible déclare que Élie s'est éloigné, il a dit à mon. Il me dit, quand la Bible déclare que monte, va manger et bois, ça veut dire que va te restaurer, va sens-toi à l'aise. La chose va se résoudre maintenant, c'est ce qu'il a dit. Après, la Bible déclare qu'il monta sur la montagne, il s'est mis la face contre terre, il a mis sa pied entre ses genoux, il a commencé à prier. Regardez bien, il met comme ça pour prier. Ce n'est pas une formule magique ou bien des incantations qu'il a fait, c'est la prière. Ok, maintenant, quand il prie comme ça, il s'est tourné, il dit à son serviteur que va du côté de la mer, regarde ce qui ne va pas. Le gars est allé, regardez comme ça. Il est revenu, qu'il lit rien. La Bible déclare qu'il a fait comme ça 7 fois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes allés ici parce que dans le Nouveau Testament, on a dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance qu'il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois et il n'entend pas prendre la pluie sur la surface de la terre. Puis, on dit que il priait de nouveau. C'est ici que nous nous trouvons donc là où il a prié. Puis il priait de nouveau. Ici, on dit verset 43 et il dit à son serviteur, monte. Vous y êtes? Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Acab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Est-ce que la première fois il s'est arrêté? Deuxième fois s'est-il arrêté? Troisième fois s'est-il arrêté? La prière fervente du juste. Alors maintenant, remarquez bien la façon dont le Nouveau Testament a expliqué la première partie de la chose, c'est-à-dire que comment il a fait pour que la pluie ne tombe pas. On a dit qu'il a prié avec instance. Et au deuxième partie, pour que la pluie ne vienne maintenant, il a encore prié avec instance pour que la pluie tombe. Pourtant, on a comme impression, comme disait l'Ancien Testament, on a comme impression qu'il a seulement dit que la pluie ne tombe pas. Et puis on a vu que la pluie n'est pas tombée. Il y a quelque chose qu'il a fait par la suite. Et maintenant, ici, on voit comment il a prié. Une fois, va regarder. Il n'y a rien. Deux fois, va regarder. Si c'était nous aujourd'hui, on prie une fois, on dit, c'est sûr que je me suis trompé, c'est pas aujourd'hui. Hein. Pas vrai? Le juste fait quoi? Appuie, il prie, ça ne marche pas, il prie, ça ne marche pas, il prie, ça ne marche pas, il prie, ça ne marche pas, il, ça ne marche pas, il, ça ne marche pas, il, ça ne marche pas, il, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est la prière fervente là-bas. Voilà ce que la Bible, votre Bible appelle la prière fervente. Vous pouvez donc voir, maintenant, à partir de là, maintenant, je peux commencer à brosser donc tous les gens de la Bible, maintenant, pour vous les montrer maintenant. On va y revenir. Je vais prendre le premier personnage. Je peux les prendre depuis l'Ancien Testament. Prenons le cas d'une femme. Cette femme-là, dans 1 Samuel, maintenant vous pouvez noter, dans 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2, notez seulement, il va expliquer, parce qu'on n'a pas le temps, on va avancer rapidement. Dans 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2, il est question de l'histoire d'une femme à nommer Anne, qui est issue d'une famille polygame. Son mari a une autre femme appelée Pélina. La Bible déclare que Anne craignait Dieu et montait chaque fois à Silo avec son mari et toute la famille pour aller adorer Dieu. Pas vrai? Pénina n'en faisait pas de cette vie-là aucun cas. Quand son mari disait bonjour, Pénina est tombée enceinte. Bonjour, Pénina est tombée enceinte. Quand la regarde, elle tombe enceinte. Elle mange ma table, elle tombe enceinte. Mais Anne faisait n'importe comment, elle labourait n'importe comment, l'enfant n'entrait pas. Mais pourtant, c'est elle qui servait le Seigneur. Pour dire quoi? Tu peux servir le Seigneur étant intègre, mais la difficulté est toujours là. Mais ces difficultés-là sont là pour annoncer quelque chose de plus meilleur lorsque la victoire viendra. Il y a des principes dans la parole immuable que si on comprend ça, on ne se lamente pas, on ne murmure pas. En fait, si tu murmures, enlève alors le problème. Donc, on a intérêt à se soumettre à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare que chaque fois, la Pénina faisait que celle-là mortifie son nom. C'est-à-dire que quand elle sortait de la chambre, ça, tu vois le ventre de Baguette Pénina. Mais le ventre est encore sorti aujourd'hui. Elle dit, le ventre est encore sorti aujourd'hui. C'est pas elle qui s'adresse. Elle s'adresse à la femme qui n'est pas enceinte. Parce qu'elle à la maison, elle ne va même pas tomber enceinte. Qui me donne mon enfant encore? Peut-être c'est passé sur le jumeau. La Bible déclare qu'elle faisait tourmenter chaque fois Anne comme ça, là, et la poussait. La Bible est claire. La poussait à se rebeller contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. C'est ce que la Bible déclare. Et on dit, et chaque année, c'était de la même façon. Donc, quand elle monte à Sidon, elle dit que je croyais que quelqu'un devait rentrer avec les grossesses aujourd'hui. Elle dit que, elle vient ici à la maison, elle vient pour tomber enceinte. Elle faisait comme ça chaque année, chaque année. La Bible déclare qu'elle montait chaque fois. Ça n'a... Écoutez bien encore la prière fervente du juste. Elle montait une année, elle n'est pas priée, elle rentre, elle n'est pas enceinte. L'année prochaine, elle monte, elle rentre, elle n'est pas enceinte. L'année d'après, elle monte, elle n'est pas enceinte. On n'a pas dit combien de fois elle a mis. De la même façon qu'on n'a pas dit combien de temps il y a mis pour prier pour que la prière ne tombe pas. On a seulement dit la prière fervente du juste. On nous montre la prière d'insistance. On ne dit pas combien ça dure. À ce cas par cas. À ce cas par cas. Pour qu'il fasse tomber la pluie, on a montré clairement qu'il a fait cette fois-là. On n'a pas dit combien de fois il avait dit pour qu'il ne tombe pas de la pluie. Parce que Dieu lui dit que maintenant arrête, c'est fait. Vous savez ça, frère? Donc, Pénine a dit chaque fois que je croyais que tu devais rentrer là-bas avec le. Que voilà, voilà, mais maman partie, quand maman partie peut rentrer du travail et manger, elle est enceinte. Mais comment on fait? Que si tu veux, va savoir là-bas. Alors, en moins un, Pénine, souvenez-vous de ceci. Ce qui montre que nous avons véritablement foi en Dieu, ce n'est pas lorsque nous avons de bonnes choses avec nous pour dire, oh Seigneur, merci, ce n'est pas ça. C'est lorsqu'il y a le contraire des événements qu'on aurait espéré. Lorsqu'il y a des événements qu'on aurait espéré, que ça n'arrive pas, c'est là où on veut savoir si Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que tu peux toujours croire que Dieu est le Dieu qui répond aux prières. Alors, quelqu'un va dire, où est ton Dieu que tu sais depuis? Je crois que... Attends, il n'a pas encore dit son dernier mot. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il ne faudrait pas ouvrir la bouche pour blasphémer contre lui. Parce qu'il est Dieu. D'accord? La Bible déclare clairement que c'était Dieu qui avait fait rendu l'autre stérile. Donc, s'il l'a rendu stérile, c'était pour faire montrer ce qui est sur le cœur de sa belle-sœur. Parce qu'elle a accouché, l'autre a accouché. Elle devait dire, ma belle-sœur. La reine devait étouffer sa belle, l'autre sa coépouse. Donc, mieux Dieu garde comme ça pour qu'on voit ce qu'il y a en là. Et de l'autre côté, ça te travaille aussi pour que tu saches comment te tenir quand quelqu'un te dit quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que jusqu'où peux-tu aller au cas où quelqu'un te dit des choses en face en te narguant. Peux-tu regarder la personne avec amour? Dieu dit qu'il faut pardonner. Vous savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un à qui tu fais des bonnes choses, vous dormez dans la même maison. Imaginez combien devait être la souffrance des dames dans cette maison, puisqu'ils vivaient dans la même maison. Son mari a dit que Anne, s'il te plaît, chaque fois qu'elle avait donné des cadeaux, il donne à Anne une portion double. Quand il va prendre une portion double, s'il achète les écrans placements, les derniers qu'il donne à Anne, Anne va voir donc cet écran placement avec qui? Hein? Quand, si les gens, un petit écran plasma à l'autre, à Pénine, il va voir ses enfants, ils vont voir, dans sa chambre, il va entendre les bruits là-bas, ça va toujours l'énerver encore. Pas vrai? Donc, on dit qu'elle donnait une portion double à Anne, parce que croyant-il, ça devait la consoler. Mais elle disait chaque fois que je veux l'enfant, elle dit que, ouais, n'est-ce pas, il veut pour toi que 10 fils? Il dit que, non. Même si c'est 10 fils, je veux, même si c'est demi-fils, je veux. Toi, c'est toi, les fils, ce sont les fils. Il faut aussi quelqu'un qui va envoyer que, va me puiser l'eau, cette personne va me puiser de l'eau. Vous savez, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Donc, Pénine a fait que l'esprit d'Anne s'irrite, mais à jamais. Elle essaie de décourager dans sa foi. Puisque l'année prochaine, elle monte encore à Silo. Est-ce que Dieu ne se manifestait pas à Silo? Dieu se manifestait à Silo, mais elle y allait toujours. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Dieu est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Lorsque Dieu va ouvrir la bouche pour parler, ça va marcher. Maintenant, dans notre marche chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fois, ça ne marche pas. Deux fois, ça ne marche pas. On dit que non, peut-être j'ai la malchance. Dieu m'a oublié. On commence à faire des imprécations sur notre propre vie. L'homme de foi ne regarde pas les choses ou bien le cause de sa propre vie. Il regarde au Seigneur qui peut résoudre ses problèmes. C'est n'est-ce pas? Lisez la Bible, lisez votre livre, lisez le livre de Hébreux chapitre 11. Et voyez comment les gens ont réagi. Regardez comment les gens ont réagi. Et la Bible déclare au chapitre 12 que plus que nous avons une nuée de témoins comme ça, où nous avons une nuée de témoins, donc les nuées de témoins, c'est-à-dire que cette population de témoins-là sont là pour nous témoigner de la fidélité du Seigneur. C'est ça, frère. En une de ces années, elle est montée, elle s'est tenue là-bas au temple. Les gens ont fini de faire les prières, sortir. Faire les prières, sortir, elle était calée là-bas. Souvenez-vous de ceci, nous sommes de voir la prière fervente du juste. La Bible déclare que ça a une grande efficacité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est tenue là, elle a commencé à parler. Le sacrificateur Élie était assis là-bas. Le sacrificateur attend qu'elle finisse, elle ne finit pas. Qu'elle attend, elle finit pas. Souvenez-vous de ceci, il attend qu'elle finisse, elle ne finit pas parce qu'elle était longtemps dans la prière. La prière fervente du juste. Après, je vais vous montrer le vrai problème, pourquoi nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses-là maintenant, là, dans quelques minutes, patientez seulement. Qui sont ceux qui ont des problèmes? Levez seulement la main. N'importe quel problème que vous avez sur le cœur, levez seulement la main. On va toucher là, ça maintenant. Là. Voilà. Ceux qui n'ont pas de problème, ça ne vous concerne pas. Non. Voilà. Maintenant, baissez la main. Tout à l'heure, on va passer à l'exercice. Maintenant, regardez. Anne s'est mise là-bas. Elle a parlé. La Bible déclare. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer la bouche. Pourquoi c'est arrivé au niveau où c'est la bouche de son cœur qui parlait et la bouche physique tapait seulement les lèvres? Ça suppose que ça avait pesé sur son cœur où il fallait qu'elle se décharge. La Bible dans ces Jacques-ci dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il ne s'agit pas juste de les répéter. Il s'agit juste de faire exactement ce qu'il a dit de faire, décharger sur lui. Voilà pourquoi Anne n'est pas quittée. Les gens priaient, ils quittaient. Les gens priaient, ils quittaient. Chacun avait son problème. Chacun avait son... Donc, si tu pries 2 minutes, tu pars. Si tu sais que tu as prié, les 2 minutes peut suffire. C'est ton problème. Si tu pries 1 heure, tu quittes. C'est que c'est ton problème. Elle ne quittera pas là-bas tant que ce qui est sur son cœur n'a pas été amoindri. N'a pas été attendri. Si la paix n'est pas venue se poser là-bas. Alors, si elle quitte avec ça, elle va aller dans où? Puisque c'est là-bas qu'on vient, on se décharge devant le Seigneur. Vous saisissez ça? Elle savait que c'est son lieu là-bas. La seule possibilité pour qu'il fasse encore ça, c'est l'année prochaine. Elle n'est pas prête à supporter ces choses jusqu'à l'année prochaine. Elle s'est tenue là au devant d'elle, devant du Seigneur. Elle a commencé à parler. Vous avez vu, Élie s'est approché de lui, d'elle, et dit, mais ta femme, si tu es une femme perverse ou quoi, tu bois le haou, c'est quoi? Tu as vu quoi, le matin guinness ou c'est quoi que tu as vu aujourd'hui, c'est le matango? Il dit que non. Remarquez bien la façon dont elle s'adresse au sacrificateur. Si c'était comme ça, elle devait regarder. Si c'était nous, elle devait regarder. Le que tu fais, annule tout la prière que tu as fait. Elle savait que c'était le sacrificateur là-bas. Que le sacrificateur n'avait pas discerné ce qu'elle faisait. Puisque le sacrificateur est venu dans l'accusation. Il faut arrêter de boire le vin. Peut-être que tu es debout comme ça, tu as oublié que tu es dans la prière. Il dit non. Elle dit que ta servante n'est pas une femme perverse. Il ne boit pas le vin. C'est-à-dire que ceux qui boivent le vin, les femmes qui boivent le vin sont des femmes perverses. Vous savez, c'est ça. Il dit que ce n'est pas une femme perverse, mais je répands mon âme devant le Seigneur. La prière fervente du juste, c'est répandre son âme devant le Seigneur. Pas bavarder des mots. La prière fervente du juste, c'est lorsqu'un juste arrive à prendre le poids de ce qu'il y a sur son âme pour déposer devant l'autel du Seigneur. La prière fervente du juste. Et dès que je suis en train de répandre mon âme devant le Seigneur, il y a de l'amertume dans son âme. N'est-ce pas? Elle est en train de dire ce que le Seigneur jusqu'à dit dans ses Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez vous donnerez du repos. N'est-ce pas? Elle est en train de dire ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est ce que Anne faisait. D'accord, bien-aimé? Alors, elle s'est tenue là. Quand elle a entendu ça, elle dit ok, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, te bénisse. La Bible déclare qu'elle s'est levée là-bas. Écoutez très bien. Son visage ne fut plus le même. Ah, c'est terrible, frère. Lorsqu'elle a quitté cette atmosphère de prière, elle est partie, elle savait effectivement qu'aujourd'hui, ça s'est résolu. Maintenant, si ça avait été aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Je connais un marabout qui est au fond là-bas. C'est dedans, il remet, tu bois, ça va nettoyer ton ventre, l'enfant va entrer. Pas vrai? On met encore le démon là-bas. Non. Il y a un grand chirurgien là-bas à l'hôpital central de Yaoundé. Non, je connais l'autre à l'hôpital pour ceux qui ont de l'argent. On peut faire la conception in vitro pour mettre à l'intérieur. Les chrétiens sont dedans. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le modèle de la foi. En fait, c'est normal même, pendant que je suis en parler, que ça arrive ainsi. Si vous lisez le chapitre 18, le verset 8, la Bible déclare, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Là, pose la question. Voilà pourquoi on n'a pas accès, parce qu'en réalité, il faut la foi pour y arriver. Et tout le monde, sans exception, même les religieux définissent la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer quelque chose que tu ne vois pas avec assurance? Si dans l'esprit, il ne t'a pas montré que c'est accompli. Comment? Tu as beau faire n'importe comment. C'est pour ça qu'on a dit, on a essayé de faire des livres pour que tu essaies de croire. Que je crois que je suis l'enfant de Dieu. Je crois que tu te tournes comme ça, tu vois que les yeux que tu fais, c'est les yeux des ténèbres. Tu sais très bien que c'est ça, que tu en étais trompé. Donc, il faut seulement s'arrêter. La prière fervente du juste, donc, c'est lorsque quelqu'un qui prie dans le Saint-Esprit répand son âme. Donc, si tu n'es pas arrivé au niveau où ton cœur est touché, par comme Anne là, tu ne peux pas avancer avec Dieu dans la prière fervente du juste. On ne va pas cela dans la Bible tout au long de l'Écriture. Permettez-moi seulement de parler. Maintenant, ne quittez pas maintenant votre problème. Vous y êtes. Vous êtes avec votre problème. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, soyez vraiment respectueux et vraiment tranquille là maintenant. D'accord? Maintenant, je veux que vous compreniez, quand vous avez levé la main, ça se trouve que vous avez un problème qui est sur votre cœur, n'est-ce pas? Maintenant, n'ouvrez pas la bouche. Je veux seulement que vous fermez les yeux, vous restez tranquille en fixant votre regard sur ce problème-là. C'est-à-dire que fixez votre regard sur le problème. Vous connaissez le problème que vous avez, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose, vous montrer le mal qui est au milieu chrétien. Alors, fixez votre cœur sur ce problème-là, votre attention sur ce problème. Un peu comme si on regardait ce tableau-ci. Si cette soeur, celui-ci bouge la main, je ne tourne pas le regard. Il ne tourne pas mon regard pour regarder. Mais je suis sur ce tableau, c'est d'accord? Fixez votre attention sur ce problème. Fermez vos yeux, restez tranquille comme si vous priez. 2 minutes, donc, je vais vous réveiller tout à l'heure. Allons-y.